Raspberry, nom de Dieu, fais-moi péter une bassline. On va s'échauffer là-bas. Hey, come on, Barry, come on. Give me the good bass line. Allez, Barry, fais péter la basse. Do you play bass? No, please use some more YouTube. No, please play some more YouTube. Ou alors je vais prendre la guitare. I could take a guitar if you want. I take my guitar. Ok? I take my guitar. Ajoutez un canal. This is my guitar. Gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling. Guitar. Unas guitarras? Por favor, un guitar. Hey, Supaello. Si tu veux chanter, moi je te suis, y a pas un problème. Je vais mettre una guitarras. New track. Ah. Je sens qu'il y a du travail qui va arriver. Non, pas tout de suite. Hein. Je ne vais pas couper l'herbe tout de suite. Hein. Ça attendra le gazon. Oh, on n'est pas pressé. Hein. Attends. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Let's tune my guitar. I'm from the nation. that's the world to be. Soy una parte que tú no entiendes, no. Ça recommence. J'arrive pas à me caler, putain. Oh, sonne force ou pas, hello. To sing a song for Super Hello. Are you ready? We'll be right back. le tube. C'était bien la chanson. Et heureusement qu'il y avait Guy, hein. Parce qu'avec Guy, qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce que je pourrais faire avec Guy? Avec Guy, on sourit. Bon, j'aimerais aller voir, j'aimerais bien aller voir Sharon. Elle est où Sharon? J'arrive pas à aller sur Sharon, son site. Le serveur est plein, Sharon. I'm looking for Sharon Singer. Et Sharon, elle est où? Ninjammer 2052. Bye bye. Ah non, c'est plein, putain. On peut pas y aller. Thank you.